Chapitre 9e, 20 août. Enfin, cette âme extraordinaire m'a livré le secret de ses orages. Je voudrais qu'elle l'eût gardé à jamais. Dans les jours qui suivirent les dernières scènes que j'ai racontées, Mademoiselle Marguerite, commenteuse des mouvements de jeunesse et de franchise auxquels elle s'était abandonnée un instant, avait laissé retomber plus épais sur son front son voile de fierté triste, de défiance et de dédain. Au milieu des bruits en plaisir, des fêtes, des danses qui se succédaient au château, elle passait comme une ombre, indifférente, glacée, quelquefois irritée. Son ironie s'attaquait avec une amertume inconcevable, tantôt aux plus pures jouissances de l'esprit, à celles que donnent la contemplation et l'étude, tantôt même aux sentiments les plus nobles et les plus inviolables. Si l'on citait devant elle quelques traits de courage ou de vertu, elle leur tournait aussitôt pour y chercher la face de l'égoïsme. Si l'on avait le malheur d'allumer en sa présence le plus faible grain d'encens sur l'autel de l'art, elle l'éteignait d'un revers de main, son rire bref, saccadé, redoutable, pareil sur ses lèvres à la moquerie d'un ange tombé, s'acharnait à flétrir, partout où elle en voyait trace, les plus généreuses facultés de l'âme humaine, l'enthousiasme et la passion. Cet étrange esprit de dénigrement prenait, je le remarquais, vis-à-vis de moi, un caractère de persécution spéciale et de véritable hostilité. Je ne comprenais pas, et je ne comprends pas encore très bien, comment j'avais pu mériter ces attentions particulières. Car s'il est vrai que je porte en mon cœur la ferme religion des choses idéales et éternelles, et que la mort seule l'en puisse arracher, eh, grand Dieu, que me resterait-il si je n'avais cela ? Je ne suis nullement enclin aux extases publiques, et mes admirations, comme mes amours, n'importuneront jamais personne. Mais j'avais beau observer avec plus de scrupules que jamais l'espèce de pudeur qui sied aux sentiments vrais, je n'y gagnais rien. J'étais suspect de poésie. On me prêtait des chimères romanesques pour avoir le plaisir de les combattre. On me mettait dans les mains je ne sais quel art ridicule pour se donner le divertissement d'en briser les cordes. Bien que cette guerre déclarée à tout ce qui s'élève au-dessus des interpositifs et des sèches réalités de la vie ne fût pas un trait nouveau du caractère de Mademoiselle Marguerite, il s'était brusquement exagéré et envenimé au point de blesser les cœurs qui sont le plus attachés à cette jeune fille. Un jour, Mademoiselle de Port-Rouet, fatiguée de cette raillerie incessante, lui dit devant moi « Ma mignonne, il y a en vous depuis quelque temps un diable que vous ferez bien d'exorciser le plus tôt possible. » Autrement, vous finirez par former le Saint-Trèfle avec Madame Aubry et Madame de Saint-Caste. Je veux bien vous en avertir. Pour mon compte, je ne me pique pas d'être ni d'avoir été jamais une personne très romanesque, mais j'aime à penser qu'il y a encore dans le monde quelques âmes capables de sentiments généreux. Je crois au désintéressement, quand ce ne serait qu'au mien. Je crois même à l'héroïsme, car j'ai connu des héros. De plus, j'ai du plaisir à entendre chanter les petits oiseaux sous ma charmille, et à bâtir ma cathédrale dans les nuages qui passent. Tout cela peut être fort ridicule, ma charmante, mais j'oserais vous rappeler que ces illusions sont les trésors du pauvre, que monsieur et moi, nous n'en avons point d'autres, et que nous avons la singularité de ne pas nous en plaindre. Un autre jour, comme je venais de subir avec mon impassibilité ordinaire les sarcasmes à peine déguisés de Mademoiselle Marguerite, sa mère me prit à part. « Monsieur Maxime, « ma fille vous tourmente un peu. Je vous prie de l'excuser. Vous devez remarquer que son caractère s'est altéré depuis quelque temps. Mademoiselle, votre fille paraît être plus préoccupée que de coutume. Mon Dieu, ce n'est pas sans raison. Elle est sur le point de prendre une résolution très grave, et c'est un moment où l'humeur des jeunes personnes est livrée aux brises folles. » Je m'inclinai sans répondre. « Vous êtes maintenant, reprit Madame Larocque, un ami de la famille. À ce titre, je vous serai obligé de me dire ce que vous pensez de monsieur de Bévalan. Monsieur de Bévalan, madame, a, je crois, une très belle fortune, un peu inférieure à la vôtre, mais très belle néanmoins, 150 000 francs de rente environ. Oui, mais comment jugez-vous sa personne, son caractère? Madame, monsieur de Bévalan est ce qu'on nomme un très beau cavalier. Il ne manque pas d'esprit, il passe pour un galant homme. Mais croyez-vous qu'il rende ma fille heureuse? Je ne crois pas qu'il la rende malheureuse, ce n'est pas une âme méchante. Que voulez-vous que je fasse, mon Dieu? Il ne me plaît pas absolument, mais il est le seul qui ne déplaise pas absolument à Marguerite. Et puis, il y a si peu d'hommes qui aient 100 000 francs de rente. Vous comprenez que ma fille, dans sa position, n'a pas manqué de prétendants. Depuis 2 ou 3 ans, nous en sommes littéralement assiégés. Eh bien, il faut en finir. Moi, je suis malade. Je puis m'en aller d'un jour à l'autre. Ma fille resterait sans protection. Puisque voilà un mariage où toutes les convenances se rencontrent, et que le monde approuvera certainement, je serai coupable de ne pas m'y prêter. On m'accuse déjà de souffler à ma fille des idées romanesques. La vérité est que je ne lui souffle rien. Elle a une tête parfaitement à elle. Enfin, qu'est-ce que vous me conseillez? Voulez-vous me permettre de vous demander quelle est l'opinion de Mademoiselle de Porhoë? C'est une personne pleine de jugement et d'expérience, et qui de plus vous est entièrement dévouée. Et si j'en croyais Mademoiselle de Porhoë, j'enverrais Monsieur de Bévalent très loin. Mais elle en parle bien à son aise, Mademoiselle de Porhoë. Quand il sera parti, ce n'est pas elle qui épousera ma fille. Mon Dieu, madame, au point de vue de la fortune, Monsieur de Bévalent est certainement un parti rare. Il ne faut pas vous le dissimuler. Et si vous tenez rigoureusement à 100 000 livres de rente... Mais je ne tiens pas plus à 100 000 livres de rente qu'à 100 sous, mon cher monsieur. Seulement, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ma fille. Eh bien, je ne peux pas la donner à un maçon, n'est-ce pas? Moi, j'aurais assez aimé être la femme d'un maçon. Mais ce qui aurait fait mon bonheur ne ferait peut-être pas celui de ma fille. Je dois, en la mariant, consulter les idées généralement reçues, non les miennes. Eh bien, madame, si ce mariage vous convient, et s'il convient pareillement à mademoiselle votre fille... Mais non, il ne me convient pas. Et il ne convient pas davantage à ma fille. C'est un mariage, mon Dieu, c'est un mariage de convenance, voilà tout. Dois-je comprendre qu'il est tout à fait arrêté? Non, puisque je vous demande conseil. S'il l'était, ma fille serait plus tranquille. Ce sont ses hésitations qui la bouleversent, et puis... Madame Larocque se plongea dans l'ombre du petit dôme, qui surmonte son fauteuil et ajouta. Avez-vous quelque idée de ce qui se passe dans cette malheureuse tête? Aucune, madame. Son regard étincelant se fixa sur moi pendant un moment. Elle poussa un soupir profond et me dit d'un ton doux et triste « Allez, monsieur, je ne vous retiens plus. » La confidence dont je venais d'être honoré m'avait causé peu de surprise. Depuis quelque temps, il était visible que Mademoiselle Marguerite consacrait à Monsieur de Bévalent tout ce qu'elle pouvait garder encore de sympathie pour l'humanité. Ces témoignages, toutefois, portaient plutôt la marque d'une préférence amicale que celle d'une tendresse passionnée. Il faut dire au reste que cette préférence s'explique. Monsieur de Bévalent, que je n'ai jamais aimé, et dont j'ai, malgré moi, dans ses pages, présenté la caricature plutôt que le portrait, réunit le plus grand nombre des qualités et des défauts qui enlèvent habituellement le suffrage des femmes. La modestie lui manque absolument. Mais c'est à merveille car les femmes ne l'aiment pas. Il a cette assurance spirituelle, railleuse et tranquille, que rien n'intimide, qui intimide facilement, et qui garantit partout à celui qui en est doué une sorte de domination et une apparence de supériorité. Sa taille élevée, ses grands traits, son adresse aux exercices physiques, sa renommée de coureur et de chasseur, lui prêtent une autorité virile qui impose au sexe timide. Il a enfin dans les yeux un esprit d'audace, d'entreprise et de conquête que ses mœurs ne démentent point, qui trouble les femmes et remue dans leurs âmes de secrètes ardeurs. Il est juste d'ajouter que de tels avantages n'ont en général toute leur prise que sur les cœurs vulgaires. Mais le cœur de Mademoiselle Marguerite, que j'avais été tenté d'abord, comme il arrive toujours, d'élever au niveau de sa beauté, semblait faire étalage depuis quelque temps de sentiments d'un ordre très médiocre. Et je la croyais très capable de subir, sans résistance comme sans enthousiasme, avec la froideur passive d'une imagination inerte, le charme de ce vainqueur banal et le joug subséquent d'un mariage convenable. De tout cela, il fallait bien prendre mon parti, et je le prenais plus facilement que je ne l'aurais cru possible un mois plus tôt, car j'avais employé tout mon courage à combattre les premières tentations d'un amour que le bon sens et l'honneur réprouvaient également. Et c'est elle-même qui, sans le savoir, m'imposait ce combat, sans le savoir aussi, m'y avait aidé puissamment. Si elle n'avait pu me cacher sa beauté, elle m'avait dévoilé son âme, et la mienne s'était à demi refermée. Faible malheur sans doute pour la jeune millionnaire, mais bonheur pour moi. Cependant, je fis un voyage à Paris où m'appelaient les intérêts de Madame Larocque et les miens. Je revins il y a 2 jours et comme j'arrivais au château, On me dit que le vieux M. Larocque me demandait avec insistance depuis le matin. Je me rendis à la hâte dans son appartement. Dès qu'il m'aperçut, un pâle sourire effleura ses joues flétries. Il arrêta sur moi un regard où je crus lire une expression de joie maligne et de secret triomphe, puis il me dit, de sa voix sourde et caverneuse, « Monsieur, monsieur de Saint-Cast est mort !» Cette nouvelle, que le singulier vieillard avait tenu à m'apprendre lui-même, était exacte. Dans la nuit précédente, le pauvre général de Saint-Cast avait été frappé d'une attaque d'apoplexie, et une heure plus tard, il était enlevé à l'existence opulente et délicieuse qu'il devait à Madame de Saint-Cast. Aussitôt l'événement connu au château, Madame Aubry s'était fait transporter dardard chez son amie, et ses deux compagnonnes, nous dit le docteur Desmarets, avaient toujours échangé sur la mort, sur la rapidité de ses coups, sur l'impossibilité de les prévoir ou de s'en garantir, sur l'inutilité des regrets, qui ne ressuscitent personne, sur le temps qui console, une litanie d'idées originales et piquantes. Après quoi, s'étant mises à table, elles avaient repris des forces tout doucement. « Allons manger, madame, il faut se soutenir, Dieu le veut, » disait madame Aubry. Au dessert, madame de Saint-Cast avait fait monter une bouteille d'un petit vin d'Espagne, que le pauvre général adorait, en considération de quoi elle priait madame Aubry d'y goûter. Madame Aubry refusant obstinément d'y goûter seule, madame de Saint-Cast s'était laissée persuader que Dieu voulait encore qu'elle prît un verre de vin d'Espagne avec une croûte. On n'avait point porté la santé du général. Hier matin, madame Larocque et sa fille, strictement vêtues de deuil, montèrent en voiture. Je pris place près d'elles. Nous étions rendus vers 10 heures dans la petite ville voisine. Pendant que j'assistais aux funérailles du général, ces dames se joignaient à madame Aubry pour former autour de la veuve le cercle de circonstances. La triste cérémonie achevée, je regagnai la maison mortuaire et je fus introduit avec quelques familiers dans le célèbre salon dont le mobilier coûte 15 000 francs. Au milieu d'un demi-jour funèbre, je distinguais sur un canapé de 1 200 francs l'ombre inconsolable de madame de Saint-Cast, enveloppée de longs crêpes dont nous ne tarderons pas à connaître le prix. À ses côtés se tenait madame Aubry, présentant l'image du plus grand affaissement physique et moral. Une demi-douzaine de parentes et d'amis complétaient ce groupe douloureux. Pendant que nous nous rangions en haie à l'autre extrémité du salon, il y eut un bruit de froissement de pieds et quelques craquements du parquet. Puis, un morne silence régna de nouveau dans le mausolée. De temps à autre seulement, il s'élevait du canapé un soupir lamentable que madame Aubry répétait aussitôt comme un écho fidèle. Enfin parut un jeune homme qui s'était un peu attardé dans la rue pour prendre le temps d'achever un cigare qu'il avait allumé en sortant du cimetière. Comme il se glissait discrètement dans nos rangs, madame de Saint-Cast l'aperçut. « C'est vous, Arthur ? » dit-elle d'une voix pareille à un souffle. « Oui, ma tante, » dit le jeune homme, s'avançant en vedette sur le front de notre ligne. « Eh bien, » reprit la veuve du même ton plaintif et traînant, « c'est fini ?»« Oui, ma tante, » répondit d'un accent bref et délibéré le jeune Arthur, qui paraissait un garçon assez satisfait de lui-même. Il y eut une pause, après laquelle madame de Saint-Cast tira du fond de son âme expirante cette nouvelle série de questions. « Était-ce bien ?»« Très bien, ma tante, très bien. Beaucoup de monde ?»« Toute la ville, ma tante, toute la ville. »« La troupe ?»« Oui, ma tante, toute la garnison avec la musique. » Madame de Saint-Cast fit entendre un gémissement et elle ajouta « Les pompiers ?»« Les pompiers aussi, ma tante, très certainement. » J'ignore ce que ce dernier détail pouvait avoir de particulièrement déchirant pour le cœur de madame de Saint-Cast. Mais elle n'y résista point. Une pâmoison subite, accompagnée d'un vagissement enfantin, appela autour d'elle toutes les ressources de la sensibilité féminine et nous fournit l'occasion de nous esquiver. Je n'eus garde pour moi de n'en pas profiter. Il m'était insupportable de voir cette ridicule mégère exécuter ces hypocrites momeries sur la tombe de l'homme faible, mais bon et loyal, dont elle avait empoisonné la vie et très vraisemblablement hâté la fin. Quelques instants plus tard, madame Larocque me fit proposer de l'accompagner à la métairie de Langlois, qui est située 5 ou 6 lieues plus loin, dans la direction de la côte. Elle comptait y aller avec sa fille. La fermière qui a été la nourrice de mademoiselle Marguerite est malade en ce moment, et ces dames projetaient depuis longtemps de lui donner ce témoignage d'intérêt. Nous partîmes à 2 heures de l'après-midi. C'était une des plus chaudes journées de cette chaude saison. les deux portières ouvertes, laissait entrer dans la voiture les effluves épais et brûlants qu'un ciel torride versait à flots sur les landes desséchées. La conversation souffrit de la langueur de nos esprits. Madame Larocque, qui se prétendait en paradis et qui s'était enfin débarrassée de ses fourrures, restait plongée dans une douce extase. Mademoiselle Marguerite jouait de l'émantail avec une gravité espagnole. Pendant que nous gravissions lentement les côtes interminables de ce pays, nous voyions fourmiller sur les roches calcinées des légions de petits lézards cuirassés d'argent, et nous entendions le pétillement continu des ajoncs qui ouvraient leurs gaines mûres au soleil. Au milieu d'une de ces laborieuses ascensions, une voix cria soudain au bord de la route « Arrêtez, s'il vous plaît !» En même temps qu'une grande fille aux jambes nues, tenant une quenouille à la main, et portant le costume antique et la coiffe ducale des paysannes de cette contrée, franchit rapidement le fossé. Et elle culbuta en passant quelques moutons effarés, dont elle paraissait être la bergère, vint se camper avec une sorte de grâce debout sur le marchepied, et nous présenta dans le cadre de la portière sa figure brune, délibérée et souriante. « Excusez, mesdames, » dit-elle de ce ton bref et mélodieux qui caractérise l'accent des gens du pays. « Me feriez-vous bien le plaisir de me lire cela ?» Elle tirait de son corsage une lettre pliée à l'ancienne mode. « Lisez, monsieur, » me dit Madame Larocque en riant, « et lisez tout, s'il y a lieu. » Je pris la lettre qui était une lettre d'amour. Elle était adressée très minutieusement à Mademoiselle Christine Oyadec, du bourg de X, commune de Y, à la ferme de Z. L'écriture était d'une main fort inculte, mais qui paraissait sincère. La date annonçait que Mademoiselle Oyadec avait reçu cette missive 2 ou 3 semaines auparavant. Apparemment, la pauvre fille, ne sachant pas lire, et ne voulant point livrer son secret à la malignité de son entourage, avait attendu que quelque étranger de passage, à la fois bienveillant et lettré, vint lui donner la clé de ce mystère qui lui brûlait le sein depuis 15 jours. Son œil bleu et largement ouvert se fixait sur moi avec un air de contentement inexprimable, pendant que je déchiffrais péniblement les lignes obliques de la lettre qui était conçue en ces termes. « Mademoiselle, c'est pour vous dire que depuis le jour où nous nous sommes parlé sur la lande après vêpres, mes intentions n'ont pas changé, et que je suis en peine des vôtres. Mon cœur, mademoiselle, est tout à vous, comme je désire que le vôtre soit tout à moi. Et si ça est, vous pouvez bien être sûre et certaine qu'il n'y a pas âme vivante plus heureuse sur la terre ni au ciel que votre ami. Qui ne signe pas, mais vous savez bien qui, mademoiselle. » Est-ce que vous savez qui, mademoiselle Christine ? Dis-je en lui rendant la lettre. Ça se pourrait bien, dit-elle en nous montrant ses dents blanches et en secouant gravement sa jeune tête illuminée de bonheur. Merci, mesdames et messieurs. Elle sauta à bas du marchepied et disparut bientôt dans le taillis en poussant vers le ciel les notes joyeuses et sonores de quelques chansons bretonnes. Madame Larocque avait suivi avec un ravissement manifeste tous les détails de cette scène pastorale qui caressait délicieusement sa chimère. Elle souriait, elle rêvait, devant cette heureuse fille aux pieds nus, elle était charmée. Cependant, lorsque Mademoiselle Oyadec fut hors de vue, une idée bizarre s'offrit soudain à la pensée de Madame Larocque. C'était qu'après tout, elle n'eût pas trop mal fait de donner une pièce de 5 francs à la bergère, en outre de son admiration. « Alain, » cria-t-elle, « rappelez-la. » « Pourquoi donc, ma mère ? » dit vivant Mademoiselle Marguerite, qui jusque-là n'avait pu accorder aucune attention à cet incident. « Mais, mon enfant, peut-être cette fille ne comprend-elle pas parfaitement tout le plaisir que j'aurais, et qu'elle devrait avoir elle-même, à courir pieds nus dans la poussière. Je crois convenable, à tout hasard, de lui laisser un petit souvenir. De l'argent !» reprit Mademoiselle Marguerite. « Oh, ma mère, ne faites pas cela. Ne mettez pas d'argent dans le bonheur de cet enfant. » L'expression de ce sentiment raffiné, que la pauvre Christine, par parenthèse, n'aurait peut-être pas apprécié infiniment, ne laissa pas de m'étonner dans la bouche de Mademoiselle Marguerite, qui ne se pique pas en général de cette quintessence. Je crus même qu'elle plaisantait, bien que son visage n'indiquât aucune disposition à l'enjouement. Quoi qu'il en soit, ce caprice, plaisant ou non, fut pris très au sérieux par sa mère, et il fut décidé d'enthousiasme qu'on laisserait à cette idylle son innocence et ses pieds nus. À la suite de ce beau trait, Madame Larocque, évidemment fort contente d'elle-même, retomba dans son extase souriante, et Mademoiselle Marguerite reprit son jeu d'éventail avec un redoublement de gravité. Une heure après, nous arrivions au terme de notre voyage. Comme la plupart des fermes de ce pays, où les hauteurs et les plateaux sont couverts de landes arides, la ferme de Langlois est assise dans le creux d'un vallon que traverse un cours d'eau. La fermière, qui se trouvait mieux, s'occupa sans retard des préparatifs du dîner, dont nous avions eu soin d'apporter les principaux éléments. Il fut servi sur la pelouse naturelle d'une prairie, à l'ombre d'un énorme châtaignier. Madame Larocque, installée dans une attitude extrêmement incommode sur un des coussins de la voiture, n'en paraissait pas moins radieuse. Notre réunion, disait-elle, lui rappelait ces groupes de moissonneurs qu'on voit en été se presser à l'abri des haies et dont elle n'avait jamais pu contempler sans envie les rustiques banquets. Pour moi, j'aurais trouvé peut-être en d'autres temps une douceur singulière dans l'étroite et facile intimité que ce repas sur l'herbe, comme toutes les autres scènes de ce genre, ne manquait pas d'établir entre les convives. Mais j'éloignais, avec un pénible sentiment de contrainte, un charme trop sujet au repentir, et le pain de cette fugitive fraternité me semblait amer. Comme nous finissions de dîner, « Êtes-vous quelquefois monté là-haut ?» me dit Madame Larocque en désignant le sommet d'une colline très élevée qui dominait la prairie. « Non, madame. »« Oh, mais c'est un tort. On a là un très bel horizon. Il faut voir cela. »« Pendant qu'on attellera, Marguerite va vous y conduire, n'est-ce pas, Marguerite ?»« Moi, ma mère ?»« Je n'y suis allé qu'une fois, il y a longtemps. Au reste, je trouverai bien. Venez, monsieur, et préparez-vous à une rude escalade. » Nous nous mîmes aussitôt, Mademoiselle Marguerite et moi, à gravir un sentier très raide qui serpentait sous le flanc de la montagne, en perçant çà et là un bouquet de bois. La jeune fille s'arrêtait de temps à autre, dans son ascension légère et rapide, pour regarder si je la suivais, et un peu haletante de sa course, elle me souriait sans parler. Arrivé sur la lande nue que formait le plateau, j'aperçus à quelque distance une église de village dont le petit clocher dessinait sur le ciel ses vives arêtes. « C'est là, » me dit ma jeune conductrice en accélérant le pas. Derrière l'église était un cimetière enclos de murs. Elle en ouvrit la porte et se dirigea péniblement à travers les hautes herbes et les ronces traînantes qui encombraient le champ de repos, vers une espèce de perron en forme d'hémicycle qui en occupe l'extrémité. 2 ou 3 degrés disjoints par le temps et ornés assez singulièrement de sphères massives conduisent sur une étroite plateforme élevée au niveau du mur. Une croix en granit se dresse au centre de l'hémicycle. Mademoiselle Marguerite n'eut pas plus tôt atteint la plateforme et jeté un regard dans l'espace qui s'ouvrait alors devant elle que je la vis placer obliquement sa main au-dessus de ses yeux comme si elle éprouvait un subit éblouissement. Je me hâtai de la rejoindre. Ce beau jour, approchant de sa fin, éclairait de ses dernières splendeurs une scène vaste, bizarre et sublime que je n'oublierai jamais. En face de nous et à une immense profondeur au-dessous du plateau, s'étendait à perte de vue une sorte de marécage parsemé de plaques lumineuses et qui offrait l'aspect d'une terre à peine abandonnée par le reflux d'un déluge. Cette large baie s'avançait jusque sous nos pieds au sein des montagnes échancrées. Sur les bancs de sable et de vase qui séparaient les lagunes intermittentes, une végétation confuse de roseaux et d'herbes marines se teignait de 1000 nuances également sombres et pourtant distinctes, qui contrastaient avec la surface éclatante des eaux. À chacun de ces pas rapides vers l'horizon, le soleil illuminait ou plongeait dans l'ombre quelques-uns des nombreux lacs qui marquetaient le golfe à demi desséché. Il semblait puiser tour à tour dans son écrin céleste les plus précieuses matières, l'argent, l'or, le rubis, le diamant, pour les faire étinceler sur chaque point de cette plaine magnifique. Quand l'astre toucha le terme de sa carrière, une bande vaporeuse et ondée qui bordait au loin la limite extrême des marécages s'empourpra soudain d'une lueur d'incendie et garda un moment la transparence irradiée d'un nuage que sillonne la foudre. J'étais tout entier à la contemplation de ce tableau vraiment empreint de la grandeur divine et que traversait comme un rayon de plus le souvenir de César, quand une voix basse et comme oppressée murmura près de moi « Mon Dieu, que c'est beau !» J'étais loin d'attendre de ma jeune compagne cette effusion sympathique. Je me retournai vers elle avec l'empressement d'une surprise qui ne diminua point quand l'altération de ses traits et le léger tremblement de ses lèvres m'eurent attesté la sincérité profonde de son admiration. « Vous avouez que c'est beau ?» lui dis-je. Elle secoua la tête, mais au même instant, 2 larmes se détachaient lentement de ses grands yeux. Elle les sentit couler sur ses joues, fit un geste de dépit, puis, se jetant tout à coup sur la croix de granit dont la base lui servait de piédestal, elle l'embrassa de ses 2 mains, appuya fortement sa tête contre la pierre, et je l'entendis sangloter convulsivement. Je ne crus devoir troubler par aucune parole le cours de cette émotion soudaine, et je m'éloignai de quelques pas avec respect. Après un moment, la voyant relever le front et replacer d'une main distraite ses cheveux dénoués, je me rapprochai. « Que je suis honteuse, » murmura-t-elle. « Soyez heureuse plutôt, et renoncez, croyez-moi, à dessécher en vous la source de ces larmes. Elle est sacrée. D'ailleurs, vous n'y parviendrez jamais. Il le faut !» s'écria la jeune fille avec une sorte de violence. « Au reste, c'est fait. Cet accès n'a été qu'une surprise. Tout ce qui est beau et tout ce qui est aimable, je veux le haïr, je le hais. Et pourquoi, grand Dieu ?» Elle me regarda en face et ajouta avec un geste de fierté et de douleur indicible « Parce que je suis belle et que je ne puis être aimée. » Alors, comme un torrent longtemps contenu qui rompt enfin ses digues, elle continua avec un entraînement extraordinaire. « C'est vrai pourtant. » Il posait la main sur sa poitrine palpitante. « Dieu a mis dans ce cœur tous les trésors que je raille, que je blasphème à chaque heure du jour. Mais quand il m'a infligé la richesse, ah, il m'a retiré d'une main ce qu'il me prodiguait de l'autre. » À quoi bon ma beauté, à quoi bon le dévouement, la tendresse, l'enthousiasme dont je me sens consumé? Ah, ce n'est pas à ces charmes que s'adressent les hommages dont tant de lâches m'importunent. Je le devine, je le sais trop. Et si jamais quelque âme désintéressée, généreuse, héroïque, m'aimait pour ce que je suis, non pour ce que je vaux, je ne le saurais pas, je ne le croirais pas. La défiance, toujours, voilà ma peine, mon supplice. Aussi, cela est résolu, je n'aimerai jamais, jamais. Je ne risquerai de répandre, dans un cœur vil, indigne, vénal, la pure passion qui brûle mon cœur. Mon âme mourra vierge dans mon sein. Eh bien, j'y suis résigné. Mais tout ce qui est beau, tout ce qui fait rêver, tout ce qui me parle des cieux défendus, tout ce qui agite en moi ces flammes inutiles, je l'écarte, je le hais, je n'en veux pas. Elle s'arrêta, tremblante d'émotion, puis, d'une voix plus basse. « Monsieur, reprit-elle, je n'ai pas cherché ce moment. Je n'ai pas calculé mes paroles. Je ne vous avais pas destiné toute cette confiance. Mais enfin, j'ai parlé, vous savez tout. Et si jamais j'ai pu blesser votre sensibilité, maintenant je crois que vous me pardonnerez. » Elle me tendit sa main. Quand ma lèvre se posa sur cette main tiède et encore humide de larmes, il me sembla qu'une langueur mortelle descendait dans mes veines. Pour Marguerite, elle détourna la tête, attacha un regard sur l'horizon assombri, puis, descendant lentement les degrés, « Partons, » dit-elle. Un chemin plus long, mais plus facile que la rampe escarpée de la montagne, nous ramena dans la cour de la ferme, sans qu'un seul mot eût été prononcé entre nous. Hélas, qu'aurais-je dit? Plus qu'un autre, j'étais suspect. Je sentais que chaque parole échappée de mon cœur trop rempli n'eût fait qu'élargir encore la distance qui me sépare de cette âme ombrageuse et adorable. La nuit déjà tombée dérobait aux yeux les traces de notre émotion commune. Nous partîmes. Madame Larocque, après nous avoir encore exprimé le contentement qu'elle emportait de cette journée, se mit à y rêver. Mademoiselle Marguerite, invisible et immobile dans l'ombre épaisse de la voiture, paraissait endormie comme sa mère. Mais, quand un détour de la route laissait tomber sur elle un rayon de pâle clarté, ses yeux ouverts et fixes témoignait qu'elle veillait silencieusement en tête à tête avec son inconsolable pensée. Pour moi, je puis à peine dire ce que je pensais. Une étrange sensation, mêlée d'une joie profonde et d'une profonde amertume, m'avait envahi tout entier, et je m'y abandonnais comme on s'abandonne quelquefois un songe dont on a conscience et dont on n'a pas la force de secouer le charme. Nous arrivâmes vers minuit. Je descendis de voiture à l'entrée de l'avenue pour gagner mon logis par le plus court chemin à travers le parc. Comme je m'engageais dans une allée obscure, un faible bruit de pas et de voix rapprochées frappa mon oreille, et je distinguai vaguement deux ombres dans les ténèbres. L'heure était assez avancée pour justifier la précaution que je pris de demeurer caché dans l'épaisseur du massif et d'observer ces rôdeurs nocturnes. Ils passèrent lentement devant moi. Je reconnus Mademoiselle Éloin, appuyée sur le bras de Monsieur de Bévalan. Au même instant, le roulement de la voiture leur donna l'alarme, et après un serrement de main, ils se séparèrent à la hâte, Mademoiselle Éloin s'esquivant dans la direction du château et l'autre du côté des bois. Rentré chez moi, et encore préoccupé de mon aventure, Je me demandais avec colère si je laisserais M. de Bévalan poursuivre librement ses amours en partie double et chercher en même temps, dans la même maison, une fiancée et une maîtresse. Assurément, je suis trop de mon âge et de mon temps pour ressentir contre certaines faiblesses la haine vigoureuse d'un puritain, et je n'ai pas l'hypocrisie de l'affecter. Mais je pense que la moralité la plus libre et la plus relâchée sous ce rapport admet encore quelques degrés de dignité, d'élévation et de délicatesse. On marche plus ou moins droit dans ces chemins de traverse. Avant tout, l'excuse de l'amour, c'est d'aimer. Et la profusion banale des tendresses de M. de Bévalan en exclut toute apparence d'entraînement et de passion. De tels amours ne sont plus même des fautes. Elles n'en ont pas la valeur morale. Ce ne sont que des calculs et des gageures de maquignons hébétés. Les divers incidents de cette soirée, se rapprochant dans mon esprit, achevaient de me prouver à quel point extrême cet homme était indigne de la main et du cœur qu'il osait convoiter. Cette union serait monstrueuse, et cependant, je compris vite que je ne pouvais user, pour en rompre le dessein, des armes que le hasard venait de me livrer. La meilleure fin ne saurait justifier des moyens bas, et il n'est pas de délation honorable. Ce mariage s'accomplira donc. Le ciel laissera tomber une des plus nobles créatures qu'il a formées entre les bras de ce froid libertin. Il souffrira cette profanation. Hélas, il en souffre tant d'autres. Puis je cherchais à concevoir par quel égarement de fausse raison cette jeune fille avait choisi cet homme entre tous. Je crus le deviner. Monsieur de Bévalan est fort riche. Il doit apporter ici une fortune à peu près égale à celle qu'il y trouve. Cela paraît être une sorte de garantie. Il pourrait se passer de ce surcroît de richesse. On le présume plus désintéressé parce qu'il est moins besogneux. Triste argument. Mépris énorme que de mesurer sur le degré de la fortune le degré de vénalité des caractères. Les trois quarts du temps, l'avidité s'enfle avec l'opulence, et les plus mendiants ne sont pas les plus pauvres. N'y avait-il cependant aucune apparence que Mademoiselle Marguerite pût d'elle-même ouvrir les yeux sur l'indignité de son choix, trouver dans quelque inspiration secrète de son propre cœur le conseil qu'il m'était défendu de lui suggérer? Ne pouvait-il s'élever tout à coup dans ce cœur un sentiment nouveau, inattendu, qui vint souffler sur les vaines résolutions de la raison et les mettre à néant? Ce sentiment même, n'était-il pas né déjà, et n'en avais-je pas recueilli des témoignages irrécusables? Tant de caprices bizarres, d'hésitations, de combats et de larmes, dont j'avais été depuis quelque temps l'objet ou le témoin, dénonçaient sans doute une raison chancelante et peu maîtresse d'elle-même. Je n'étais pas enfin assez neuf dans la vie pour ignorer qu'une scène comme celle dont le hasard m'avait rendu dans cette soirée même le confident et presque le complice, si peu préméditée qu'elle puisse être, n'éclate point dans une atmosphère d'indifférence. De telles émotions, de tels ébranlements, supposent deux âmes déjà troublées par un orage commun ou qui vont l'être. Mais s'il était vrai, si elle m'aimait, comme il était trop certain que je l'aimais, je pouvais dire de cet amour ce qu'elle disait de sa beauté. À quoi bon? Car je ne pouvais espérer qu'il eût jamais assez de force pour triompher de la défiance éternelle qu'est le travers et la vertu de cette noble fille, défiance dont mon caractère, j'ose le dire, repousse l'outrage, mais que ma situation, plus que celle de tout autre, est faite pour inspirer. Entre ces terribles ombrages et la réserve plus grande qu'il me commande, quel miracle pourrait combler l'abîme? Et enfin, ce miracle intervenant, daigna-t-elle m'offrir cette main pour laquelle je donnerais ma vie, mais que je ne demanderai jamais? Notre union sera-t-elle heureuse? Ne devrais-je pas craindre tôt ou tard dans cette imagination inquiète quelque sourd réveil d'une défiance mal étouffée? Pourrais-je me défendre moi-même de toute arrière-pensée pénible au sein d'une richesse empruntée? Pourrais-je jouir sans malaise d'un amour entaché d'un bienfait? Notre rôle de protection vis-à-vis des femmes nous est si formellement imposé par tous les sentiments d'honneur qu'il ne peut être interverti un seul instant, même en toute probité, sans qu'il se répande sur nous je ne sais quelle ombre douteuse et suspecte. À la vérité, la richesse n'est pas un tel avantage qu'il ne puisse trouver en ce monde aucune espèce de compensation, et je suppose qu'un homme qui apporte à sa femme en échange de quelques sacs d'or un nom qu'il a illustré, un mérite imminent, une grande situation, un avenir, ne doit pas être écrasé de gratitude. Mais moi, j'ai les mains vides. Je n'ai pas plus d'avenir que de présent. De tous les avantages que le monde apprécie, je n'en ai qu'un seul, mon titre, et je serai très résolu à ne le point porter, afin qu'on ne pût dire qu'il est le prix du marché. Bref, je recevrai tout et ne donnerai rien. Un roi peut épouser une bergère, cela est généreux et charmant, et on l'en félicite à bon droit, mais un berger qui se laisserait épouser par une reine, cela n'aurait pas du tout aussi bonne figure. J'ai passé la nuit à rouler toutes ces choses dans mon pauvre cerveau, et à chercher une conclusion que je cherche encore. Peut-être devrais-je sans retard quitter cette maison et ce pays. La sagesse le voudrait. Tout ceci ne peut bien finir. Que de mortels chagrins on s'épargnerait souvent par une seule minute de courage et de décision. Je devrais du moins être accablé de tristesse, mais je n'en eus si belle occasion. Eh bien, je ne puis. Au fond de mon esprit bouleversé et torturé, il y a une pensée qui domine tout et qui me remplit d'une allégresse surhumaine. Mon âme est légère comme un oiseau du ciel. Je revois sans cesse, je verrai toujours ce petit cimetière, cette mer lointaine, cet immense horizon, et sur ce radieux sommet, cet ange de beauté baigné de pleurs divins. Je sens encore sa main sous ma lèvre. Je sens ses larmes dans mes yeux, dans mon cœur. Je l'aime. Eh bien demain, s'il le faut, je prendrai une résolution. Jusque-là, pour Dieu, qu'on me laisse en repos. Depuis longtemps, je n'abuse pas du bonheur. Cet amour, j'en mourrai peut-être. Je veux en vivre en paix tout un jour.